Welcome, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous écoutez La Croisière Folk, une émission qui a deux buts, celle de vous divertir et aussi de vous faire découvrir toutes les facettes de la musique folk. Je rappelle que nous avons une page Facebook, donc n'hésitez pas, venez liker et faites partie de cette grande famille. La page s'appelle La Croisière Folk, c'est sur Facebook. Be part of the family of this radio program called La Croisière Folk. Like the Facebook page called La Croisière Folk. C'est avec une nouveauté que nous avons démarré cette émission. Laughing Seabird et Vivre No Way Back. Alors, Laughing Seabird, eh bien, c'est Céline, mais c'est aussi Emmanuel. C'est un duo assez sympathique. Ils sont admirateurs depuis l'adolescence des Beatles, de Paul McCartney, de Led Zeppelin, de Pink Floyd, de Crosby, Still, Nash & Young, de Peter Gabriel, de Sting. Et donc, Emmanuel et Céline ont trouvé là une complicité. Leur travail puise également dans de nombreuses autres inspirations. L'influence celtique, notamment, est dans l'ADN de Céline, de par ses origines bretons et son attachement à cette culture qui réunit tous les âges en des moments empreint d'une communion libératrice. Là, je ne fais que lire, bien sûr, le communiqué de presse. Ensuite, il y aura Beau Soleil, un extrait de leur album Bayou Boogie de 87, Red Cardell avec The Way, et puis Albion Dance Band, l'extrait de l'album de 83 qui s'appelle Shuffle Off, c'est Edel Waters. Allez, stop le blabla, on est parti pour une heure de musique folk. Toi, très bon, toi, parle vrai. Thank you. ça plaît jouer. Comment j'ai fait mon idée, c'est ça la valse, ça plaît jouer. Chez ma belle, j'ai parti. C'est ça la valse, ça plaît jouer. Oui, à ma belle, j'ai demandé. C'est ça la valse, ça plaît jouer. Quand ses parents m'ont refusé. C'est ça la valse, veux-tu me jouer sur le lit de maman? C'est ça la valse, veux-tu me jouer le jour que je m'amourais? C'est ça la valse, veux-tu me jouer jusqu'à la porte du cimetière? C'est ça la valse, comment j'appelle la valse du malchance? Après siffler, mais dans le temps que je cotisais, c'est ça la valse après jouer. Quand je l'ai volé, c'est ça la valse après jouer. Comment fait le marié, c'est ça la valse après jouer. Quand on s'a séparé, c'est ça la valse. C'est ça la valse, veux-tu me jouer le jour que je vais mourir? C'est ça la valse, veux-tu me jouer jusqu'à la porte du cimetière? C'est ça la valse, comment j'appelle la valse du on the light. You just care about me. You don't need one more fight. All the time we spend on night, only to find some rest. All the dreams we have behind before we found this place to go. Some news. I'm still traveling through the old blues, where the river in anger is so muddy, when the blinded preacher is so groovy. said, you know, you found. Thank you. À l'instant, Albion Dance Band, Elder Waters, extrait de Shuffle Off de 83. Et tout de suite, voici un, ensuite il y aura deux, et ensuite il y aura trois. Un, deux, trois. Listening to the best radio station in town. Grâce aux trois morceaux de cette chronique 1, 2, 3, vous allez découvrir un album aujourd'hui, celui de Bob Johnson et Pete Knight, The King of Elfland Daughter. L'album date de 77-77. Alors, The King of Elfland Daughter, c'est un album conceptuel des anciens membres de Steel Eye Span, donc Bob Johnson et Peter Knight. Il est basé sur le roman fantastique du même nom, écrit par Lord Dunsany en 1924. Il a été donc publié cet album en 77. L'illustration de la pochette est signée de Jimmy Cotty, qui est né en 56 dans le Cheshire, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Il est également connu sous le nom de Rockman Rock. C'est un artiste qui a fait partie d'un duo, un duo des années 80, The KLF. Outre les musiciens de l'album, on y trouve également une distribution d'acteurs et de musiciens qui jouent les rôles des personnages du livre. Et entre autres, dans Le Roi d'Elfland, et qui est aussi le narrateur, c'est Christopher Lee, vous savez, qui a joué dans le rôle de Dracula. La distribution, d'ailleurs, a fourni toutes les voix de l'album. Ni Johnson ni Knight ont contribué aux voix, il faut le savoir. Et extrait de cet album, on écoutera Too Much Magic, Lee Razel et Witch. Allez, c'est parti donc pour cet album extraordinaire sorti en 77, The King of Elfland's Daughter. It was while Alberic searched for Lee Razel that all manner of things slipped through the border. And in Earl that had sighed for magic, there was indeed magic now. And a fear settled on Earl. The imps are in the lumber loft, the trolls are in the stable, goblins hiding under the bed while we hide under the table. Faces at the window, horrible flickering lights, and things that chase us down the road if we go out at night. Magic, magic everywhere, magic in the very air. Elfin horns are blowing, there is too much magic. We dare not go a wandering for fear of what the night may bring. A curse upon all things, too much magic. There's many a creature of fable, many a monster of myth, crept through the elfin border to see the will-o'-the-wisp. And every time we go to bed, we pray the Lord will keep us from the dark unearthly things as we lie in our sleep. Magic, magic everywhere, magic in the very air. Elfin horns are blowing, there is too much magic. We dare not go a wandering for fear of what upon all hellish things, too much magic. Yesterday upon the stair, once again today, I saw a goblin crouching there. I wish he'd go away. Down the streets of tile and thatch, the fairy army creeps. We sowed the seeds of discontent, and discontent we reap. Magic, magic everywhere, magic in the very air. Elfin horns are blowing, there is too much magic. We dare not go a-wandering for fear of rain. So the old lord summoned his son, Alvaric, and said to him, Go from here eastwards and pass the fields we know till you see the lands that clearly pertain to Faerie, and cross their boundary, which is made of twilight, and come to that palace that is only told of in song. It is far from here, said the young man, Alvaric. Yes, answered he, it is far. What do you bid me do, said the son, when I come to that palace? And his father said, To wed the king of Elfland's daughter. Her name is Lirazel. She is a princess of the magic line. From the wind and trees and breezes through the moss and grass, at last the dance should soon begin in Elfland. Buttercups that hide in shade have kissed the blade of grass they passed. The toadstool feels a fool, he has his hat on. Prancing, prancing, foolish dancing, trolls decide to run and hide, and back to back they're back. To play, to turn about and twist and shout, hand in hand the trolls resist an elf call. The trolls are all dancing to their melody so ugly, falling all over themselves, thinking themselves to be devilish elves. The soldiers of Elfland are standing at ease, easy to please, watching the trolls fall asleep. I ask them all to get back on their feet. Comes from everywhere, the earth below, the glow from worms that turn in time to chiming fairy acorns. Dandelions, pretty heather, stand together proud to share the air that sings the music that it brings us. Travelers from far and low have flown the shells of twilight blue. I think they knew full well we would be dancing. All decides to wake as fairy winds pretend their violins and make the trolls a dancing tune to France too. And soon all the trolls are awake, devilish, all gibberish, asking the soldiers to dance with them, prance with them, beat on their drums to the dance of the day. Thousands of creatures are clapping and laughing, the elves and the goblins join in with a sing, with a cry to the winds as the fiddlers play. Near the castle of Earl there lived a lonely witch on high land near the thunder which used to roll in summer along the hills. There she dwelt by herself in a narrow cottage of thatch and roamed the high fields alone to gather the thunderbolts. Thunderbolts that had no earthly forging, that made such weapons as had to parry unearthly dangers. All upon the lonely heath, the little children cry. Witch, high on a broomstick, riding through the sky. All upon merci à vous d'écouter La Croisière Folk, une émission qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. J'ai oublié de dire dans la présentation, mon nom à moi, c'est Eric Cooper. Et n'hésitez pas, si vous voulez peut-être nous envoyer des photos de groupes, vous avez peut-être été à des concerts folk et que vous avez envie de les partager, vous pouvez m'envoyer ça via la page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. On écoutait donc extrait de cet album The King of Elfland Daughter, Bob Johnson et Pete Knight. Vous aurez reconnu hein, d'ailleurs la voix de Dracula, autrement dit Christopher Lee. On écoutait Too Much Magic, Lirazel et Witch. Est-ce que vous connaissez la comédie musicale et florale Naturia? Eh bien, elle a été réalisée par Axel Montel et Jean-Jacques Futterer et elle souhaite sensibiliser le grand public au respect de la nature et de son environnement de manière plus fédératrice, plus artistique. La particularité de cette comédie musicale, unique en son genre, réside sans doute dans les décors et les costumes réalisés intégralement en fleurs et plantes fraîches. Axel Montel, j'ai eu le plaisir de le rencontrer dans un café pas loin de la gare à Lille et je voudrais vous dire que son interview, vous pouvez l'écouter. Vous vous branchez simplement sur soundcloud.com, vous cherchez les interviews d'Eric Cooper et là, vous allez un peu vers le bas et vous pourrez écouter cette interview dont je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait. Et là encore, on peut se dire qu'on a réussi puisque on a découvert 2 ans après le début de notre écriture, que sortait un film comme Avatar, qui est venu un peu conforter que j'étais dans la bonne direction artistique. Et le nom Naturia, est-ce que ça a une signification ? J'avais vraiment voulu chercher un nom qui résonne dans plusieurs pays, parce que, comme je le dis, c'est un vrai message, Naturia. C'est un spectacle qui est là pour diffuser un message, pour sensibiliser les gens au respect de la nature et l'environnement. Et je ne pense pas que ce soit un sujet qui reste fermé sur la France. C'est un message universel. Il nous fallait trouver un nom qui puisse parler un peu partout dans le monde. Et Naturia est prononçable partout dans le monde. Et à travers toutes les cultures linguistiques aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que de la musique ou bien il y a quand même des chansons, mais qui sont adaptées en fonction du pays où vous allez jouer ? Alors, il y a déjà 40 artistes sur scène. Et puis oui, c'est une vraie comédie musicale avec des vrais acteurs, des comédiens, des chanteurs. Il y a des chansons qui sont chantées effectivement en langage naturien. Et puis il y a des chansons très comédie musicale qui sont chantées en fonction des pays où on joue, dans la langue où on se produit. Donc c'est vraiment un spectacle familial, compris par tous en fait. Et le langage Naturia, c'est quoi ? C'est un langage de mots qui résonnent et qui nous donne des connotations. Et un langage au final qui ne peut être que compris que quand on passe par l'émotion des choses. Et c'est rigolo parce que tout le monde qui sort du spectacle comprend les plus grands messages de ce spectacle, à savoir respecter la nature, essayer de la préserver, essayer d'arrêter peut-être de consommer de manière démesurée, essayer d'être de plus respectueux peut-être des générations à venir, en l'occurrence celle de nos enfants. Axel Montel de cette comédie musicale Naturia. N'hésitez pas à aller sur leur site hein, de façon, peut-être lorsqu'ils passeront dans votre ville, à aller voir cette comédie musicale qui a comme but de vous sensibiliser au respect de la nature et de l'environnement. On poursuit en musique avec un petit medley de Julie Fowlis, extrait de son album Live at Percher Amber, un album qui date de 2011. Ensuite, Mary Black avec Your Love, c'était en 2005. Et Charlant Antoine Gosselin, La vie te répondra. Un chouette album aussi, je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté dans 1, 2, 3, mais ça s'appelle Bleu Soleil de 2017. Alors dans cet album, eh bien, Charles-Antoine Gosselin propose un folk contemplatif. C'est un album de transition, de contraste, de prise de conscience, à l'image des changements de saison, du passage de la nuit à la lumière, où tout devient bleu soleil, c'est le nom de l'album. I ain't had a metallic, I broke a nude, come on, knock. Broke a nude, come on, knock.

All the COVID-19 vaccines have been thoroughly tested and all provide a high degree of protection against getting seriously ill and dying from the disease. So take whatever vaccine you are offered, even if you have already had COVID-19. It is important to be vaccinated as soon as possible and not wait. This way, we build immunity in our communities faster and can get back to our normal lives. This message is brought to you by UNESCO, WHO, and your local radio station. Je veux que t'écoutes ce que j'ai à te dire. Tu me coupes pas, t'écoutes. Et puis de toute façon, même si t'as quelque chose à dire, ça changera rien parce que ce que j'ai à te dire, c'est comme ça, puis c'est tout. D'accord ? Si vous venez de prendre l'antenne, eh bien, vous écoutez La Croisière Folle. À petite dose, ça calme les anxiétés. Mais à haute dose, mélangée à l'alcool, ça devient un antidysleptique hallucinatoire puissant. Si vous avez envie de communiquer avec nous, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de regarder quelques vidéos, eh bien, sachez que nous avons une page Facebook. Yes, we have a Facebook page. Just Facebook. Et le nom de cette page Facebook s'appelle La Croisière Folk. Please, don't hesitate to like our Facebook page. I speak English well. I learn it from a book. Et si vous êtes un artiste, n'hésitez pas non plus à nous envoyer un petit mot via la page Facebook, donc La Croisière Folk, et nous serons heureux, bien sûr, de diffuser votre album dans notre émission. I appreciate that on first viewing, he seems a little eccentric. La Croisière Folk, eh bien, sachez-le, chez nous, il y a du folk à tous les étages, et sur la terrasse, il y a des bananes. There are Martians who have been exiled from Mars for looking weird, who look less weird than this guy. Bonne écoute, et puis merci de votre fidélité. Tous les vaccins contre la COVID-19 ont été testés de manière approfondie et tous offrent un degré élevé de protection contre les formes graves de la maladie et les risques de décès. Faites donc le vaccin qui vous est proposé, même si vous avez déjà eu la COVID-19. Il est important de se faire vacciner le plus tôt possible et de ne pas attendre. De cette façon, nous renforcerons plus rapidement l'immunité dans nos communautés et pourrons reprendre une vie normale. Ce message vous est présenté par l'UNESCO, l'OMS et votre station de radio locale. You're no longer here. Ici, je n'ai que des pâtes normales, du sucre normal, du riz normal. Ça va peut-être vous paraître anormal, mais ici, on ne sert que des gens normaux. Chance tarde, ne renonce pas, choisis tes combats, oublie le reste et tout arrivera à la bonne adresse, tu verras. Dans l'eau, crée une onde, un écho, La vie te répondra. Nous restons un petit peu dans la nature avec Didier Wirix. Est-ce que vous connaissez... On dit Wirix en France. Oui, vous savez, un jour, je vais vous raconter une petite anecdote. Je m'occupais à Haguenau, à Strasbourg, au CSC Robert Schumann, donc c'est un centre culturel avec des jeunes, d'un atelier radio. Et j'avais le malheur d'utiliser le mot wagon. Mais vous savez qu'en Belgique, on dit wagon comme Waterloo. En France, ils disent wagon. Enfin, en France, vous dites wagon. Et ça les avait bien fait rire, mais gentiment, parce que contrairement à ce qu'on croit, les Français, ils aiment bien les Belges, ils se moquent pas d'eux. Voilà, non, je dis ça parce que vous savez que durant la Coupe d'Europe, il y a eu quelques petites accroches entre les Français et les Belges. Mais si vous êtes Belge, que vous allez en France, eh bien, croyez-moi, vous allez être bien reçu. Et même sur le lieu de travail, j'ai travaillé en radio et on apprécie beaucoup les Belges. Et on va parler du chasseur et de la fille au Pokémon. Alors, c'est une fable, c'est un film d'ailleurs que vous pouvez voir aussi, mais je vous dirai après où ça. C'est une rencontre entre deux mondes. D'un côté, il y a le chasseur convaincu de la légitimité de la chasse et de l'autre, cette fillette qui chasse les célèbres personnages du jeu de Nintendo. La chasse de la fillette relève de l'imaginaire, mais montre également l'intérêt qu'elle porte aux animaux, qu'elle considère comme des êtres vivants à part entière, tandis que la chasse de Maurice, qui est le nom du chasseur, apporte mort et souffrance. Alors si vous voulez écouter l'interview de Didier Wirix, ou Wirix, eh bien vous allez sur sonscloud.com. Et ça s'appelle Les Interviews d'Eric Cooper. Je suis aussi sur d'autres plateformes, sur Spotify. Je pense que sur YouTube aussi, vous pouvez le trouver. N'hésitez pas, bien sûr, à écouter l'interview. Et on écoute un extrait de cette interview. C'est vrai qu'avec les images, chacun a sa place, en fait. Les images choc des associations telles que L214 ont leur utilité parce qu'elles montrent vraiment crûment ce qui se passe dans les abattoirs ou alors d'autres associations qui sont contre la chasse et qui sont sur le terrain. Qui montre comment les animaux sont abattus, torturés. Ça a leur importance parce que les gens, grâce aux réseaux sociaux, prennent conscience que c'est pas un monde de bisounours. Et là où il y a un animal mort, il y a du sang, il y a de la souffrance, il y a de la mort. Maintenant, face à toutes ces images violentes, je me suis dit que les enfants, il fallait pas les mettre dans ce contexte. Ils ont encore, comme je l'ai dit précédemment, l'innocence. Et ce qui est important, c'est que grâce à quelque chose de doux, ils peuvent être sensibilisés et eux-mêmes après sensibiliser leurs parents, leurs grands-parents. Notamment, j'ai eu un contact avec le président de la Fédération française de la protection animale dans l'Oise, qui a diffusé le film dans un lycée en France. Et un des élèves était dans le milieu de la chasse, dans un milieu aristocratique. Et grâce au film, il a su convaincre ses parents et ses grands-parents d'arrêter la chasse. Donc les deux visions choc et la méthode douce ont leur place afin de faire évoluer la société. Au sein du milieu associatif ici en Belgique, comment votre film, votre court-métrage est reçu ? Mais au milieu associatif, c'est vrai que c'est le milieu qui adhère le premier parce qu'ils voient vraiment l'intérêt de se servir de ce média pour sensibiliser les plus jeunes. Didier Wirix, ou Wirix, c'est comme vous voulez. Moi, je ne fais pas de politique. Donc, c'était Le chasseur et la fille au Pokémon. N'hésitez pas à écouter l'interview. Et puis, si vous allez sur mon site, vous verrez que vous pouvez voir la vidéo. Donc, le site qui s'appelle ericcooperpress.eu. Et là, si vous cherchez un peu dans les vidéos, vous pourrez trouver donc Le chasseur et la fille au Pokémon et regarder ce film qui dure une quinzaine de minutes et qui est vraiment très bien fait. On peut le montrer aux enfants, donc si vous êtes prof, n'hésitez pas à le partager avec ses élèves. Tout de suite, voici un groupe qui nous vient de la ville rose de Toulouse. C'est Douline, extrait de leur album live qu'ils ont fait à Lorient en 2013. On écoutera la mazurka de Gisèle. Alors Douline, hein, c'est un groupe de folk music qui est inspiré par la musique traditionnelle irlandaise et il mêle à ceci un peu de pop rock, du funk, du jazz et même du hip hop. C'est très très excellent. Je sais, c'est pas français, mais j'avais envie de dire c'est très excellent. J'ai le droit quand même, non ? Te toucher, c'est JKL, extrait de l'album Évidence, un album de 2017. Voilà le programme musical dans cette émission. Thank you. un instant d'égarement qui ne s'égare à présent. Des baisers éphémères qui s'ancrent en moi, qui s'enterrent. Un instant de bonheur à contempler ta lueur, à rester contre toi, à n'entendre que ta voix, te toucher jusqu'à l'aube, te serrer contre moi et laisser tes mains chaudes réchauffer mes petits Je t'observe, je t'admire, tu fais pétiller mes yeux. Une caresse, un sourire, un glaçon qui prend feu. Te toucher jusqu'à l'aube, te serrer contre moi et laisser tes mains chaudes réchauffer. Dans cette émission, il n'y a pas de secret, je peux vous dire qu'on écoutait JKL avec Te Toucher. Je n'ai qu'une envie, non ce n'est pas, non c'est, je sais ce que vous allez penser. Non, c'est d'interviewer JKL en vrai, en face à face, elle est très sympathique. J'ai déjà eu au téléphone, mais j'aimerais bien la rencontrer en vrai aussi. Donc Te Toucher, n'hésitez pas, JKL, si vous allez sur Facebook ou sur ces plateformes, vous pouvez non seulement acheter l'album, mais aussi n'hésitez pas, il y a plein de vidéos sur YouTube de JKL, vous verrez, elle est très chouette. Et malheureusement, il est temps de se quitter. Je pleure, mais en fait, je sais très bien que l'espoir est là de vous retrouver dans une semaine. Attendez, on est à quelle émission là? On est proche, hein, ce sera la 97e émission la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on se rapproche de la 100e. Pour la 100e, on va reprendre une émission qui a été très peu écoutée, puisqu'en fait, elle n'était pas au départ diffusée dans des radios. C'est la numéro 1. Et on va reprendre un peu quelques extraits. Et aussi la programmation musicale. Free the Honey, Come Up to the Mountain, c'est ce qu'on va écouter. Merci de votre fidélité. Merci aussi de liker la page Facebook. If you want to be part of the family of La Croisière Folk, don't hesitate to like the Facebook page La Croisière Folk. Il y a mon chat qui regarde par la fenêtre. Oui, en fait, vous savez, on n'a pas de secret, vous et moi. Donc, il y a un chat qui se promène. C'est mon chat, il s'appelle Mistral. Je vous le mettrai un jour en photo sur la page Facebook. Tiens. Si vous aussi, vous avez des chats, vous n'hésitez pas. J'adore les chats, donc je les partagerai sur ma page Facebook. Donc, Free the Honey, Come Up to the Mountain. Je vous quitte. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis, n'oubliez pas que la force soit avec vous. Et à très bientôt. I'll be back. Come up to the mountain, get closer to the sky. Just waiting, dear sister, is a blessed place on high. Come meet our mother, where her grace is known. Just waiting, dear sister, into her arms we'll go. Come up to the mountain, come up to the mountain, dear sister. Come down.